cette semaine au Mathieu Plante Show. Wow, c'était cacophonique pas mal ça, hein? C'était pas mal trop cacophonique. Cette semaine au Mathieu Plante Show. Dans Télévision Télévision, MTV ramène l'émission Facteur de risque et Ellie fait revivre Biography. Dans Merci Science, prendre un bain chaud serait aussi bénéfique que faire du sport. Dans Tout ce qui bouge, Adidas se lance dans la chaussure de sport imprimée en 3D. Et Frédéric Simon nous parlera de sa nouvelle Nintendo Switch. Il va même me laisser y toucher au Mathieu Plante Show tout de suite. Et voici celui qui ne toucherait pas à la Switch de n'importe qui, Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue Mathieu Plante, je suis avec Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 17 avril 2017, on va faire la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, Merci Science, ainsi que Tout ce qui bouge, la chronique où on parle de moyens de transport, de trucs comme ça. Dans quelques instants, par contre, ça va être la chronique de jeux vidéo avec Frédéric Simon cette semaine. Salut Frédéric. Salut Mathieu. Ça va, c'est ta première chronique aujourd'hui. Ma première chronique, on j'attendais. Va la pression monte. La pression monte. C'était supposé commencer au début du mois de mars. mais bon, on se rappelle que je me suis cassé le bras. C'est des choses qui arrivent. C'est ça, donc on a remis ça plus tard, mais maintenant t'es enfin arrivé et on peut parler avec un petit peu de délai, c'est-à-dire que t'as eu plus de temps encore pour jouer avec la Switch. C'est drôle parce que j'ai pratiquement pas joué avec. Il fait mentir. Tu touches pas à Switch tout le temps, ça? Malheureusement, mon coloc joue plus que moi avec ma Switch. Tu laisses ton coloc toucher. Je laisse. Je suis généreux comme ça. Wow! Mais je l'ai vu, tu l'as ouvert devant moi pendant que je préparais tout ça, tu sais, comme ça me déconcentrait pas assez de regarder une belle manette puis un beau. Mais maudit que c'est petit pour 400$, ça. C'est... Oui, on va en parler bientôt. Ouais. Donc, la Nintendo Switch dans quelques instants. Avant ça, on va faire le bloc Tout ce qui bouge. Et avant de faire Tout ce qui bouge, voici Drags Connor et la pièce Cats. Mathieu Plante Show! C'était Drags Connor avec la pièce Cats au Mathieu Plante Show. Maintenant, voici le bloc CNX, Tout ce qui bouge. Le bloc Tout ce qui bouge, où on parle de choses qui bougent, évidemment, pour faire suite à l'émission qui nous précède, celle de Tania Baudin. On pisse avec Tania Baudin les mercredis à 14h. Commençons avec Adidas, qui se lance dans la chaussure de sport imprimée en 3D, où on commence à la marche aujourd'hui. Adidas a annoncé qu'il commercialisera à partir de l'automne de nouvelles chaussures avec une semelle imprimée en 3D, une nouvelle étape dans la production d'articles de sport personnalisés. L'équipementier sportif allemand s'est allié avec une start-up californienne, Carbon, pionnier d'une technologie dénommée Digital Light Synthesis. Celle-ci permet d'imprimer en 3D une semelle intermédiaire avec une résine polymère sensible à la lumière. photosynthèse et tout ça. Wow, incroyable. Les clients d'Adidas peuvent déjà choisir en ligne la couleur et d'autres attributs de leurs chaussures, mais la méthode d'impression en 3D de nouvelle génération va permettre la production de chaussures Futurecraft 4D à édition limitée et de semelles conçues pour s'adapter au poids et à la marche du client. Adidas espère vendre 5000 paires de ses souliers cette année et 100 000 l'année prochaine, des chiffres à comparer aux 360 millions de paires de chaussures produites par l'équipementier sportif en 2016, tout sport confondu. Cette semelle, qui évidemment est révolutionnaire, selon eux, elle doit rivaliser avec un produit similaire obtenu à partir d'un moule à injection. Ils vont démarrer une nouvelle ère, disent-ils, dans le design et la production dans l'industrie d'articles de sport. La méthode d'impression de nouvelle génération permettra de réduire le temps de production d'un élément clé de la chaussure à 90 minutes en visant de les porter à 20 minutes dans le futur contre environ 10 heures pour les prototypes en 3D lancés par Adidas en 2015 à partir d'une impression en 3D moins performante. Le lieu de production n'a pas été communiqué, mais Adidas possède un site de production dernier cri à Ansbach dans le sud de l'Allemagne où le groupe produit depuis 2016 des séries de baskets via des robots est en train d'en construire une du même genre à Atlanta aux États-Unis. Les chaussures 3D seront vendues à un prix premium, mais le mode de commercialisation n'a pas encore été décidé. Imagine quand tu dis une chaussure premium, déjà qu'Adidas, c'est une marque premium. Oui, c'est pas donné tout le temps. Peut-être doubler le prix. Pour la semaine. C'est ça, pour la semaine, exactement. Alors, en tout cas, donc ça c'est selon l'agence France Presse. Ensuite, maintenant qu'on a marché, on a fait notre petite marche, on peut monter dans la voiture avec une voiture de course autonome qui s'appelle Robocar de RoboRace. RoboRace a profité du Mobile World Congress qui s'est préparé il y a quelques mois à peine de ça pour présenter quelques semaines, peu importe, pour présenter le design définitif de la voiture de course autonome qui participera au futur championnat voulu par la Fédération internationale de l'automobile, un bolide dont le dessin est directement inspiré des films de science-fiction. Évidemment, déjà que certains vont dire que les courses de chars, c'est pas vraiment un sport. Imagine si la voiture se construit tout seul. Il y a où le plaisir, mais. C'est ça. Ça roule tout ça. Ils regardent faire, ils font des roues, ils font des tours de piste. C'est comme les petits jeux avec tu tiens la manette puis tu laisses ton auto aller. C'est plus le fun. Il y a presque un an, donc RoboRace révélait le design de sa voiture de course autonome. La Robocar avait été étonnée par ses lignes audacieuses imaginées par Daniel Simon, qui a travaillé dans le cinéma sur les films de science-fiction Tron Legacy et Oblivion. En attendant la version finale, RoboRace s'est attelé au développement de la voiture avec deux prototypes baptisés DevBot. Donc on a suivi chez Futura Science leur progression jusqu'à leur premier affrontement sur le circuit urbain tracé dans la ville de Buenos Aires en Argentine, donc en marge du championnat de Formule E, dont Tania parle souvent à son émission, Formule électrique. Techniquement déjà très abouti, les voitures autonomes de la RoboRace ne sont en revanche pas très enthousiasmantes d'un point de vue esthétique, dit l'article. La curiosité était grande de savoir à quel point la version finale s'approcherait du concept très prometteur de Daniel Simon. Et bien, le modèle dévoilé au Mobile World Congress est une copie conforme de ce qu'on avait vu. Dépourvu de cockpit central. Pourquoi faire un cockpit s'il n'y a pas de chauffeur dedans? La Robocar rompt avec les codes de la voiture de course telle qu'on la connaît pour tendre vers un engin tout droit sorti d'un jeu vidéo ou d'un film. Entièrement en fibre de carbone, elle pèse 975 kg pour 5 mètres de long et 2 mètres de large. La voiture autonome à transmission intégrale sera propulsée à des vitesses pouvant atteindre 320 km/h par 4 moteurs électriques de 300 kW chacun. Il y a beaucoup d'autres détails pour s'équiper de plusieurs trucs, les lidars, radars, capteurs à ultrasons, caméras, capteurs de vitesse optique et intelligence artificielle qui est animée par la plateforme de calcul ouverte Drive PX2 de NVIDIA. Conçue spécialement pour les intelligences artificielles automobiles, elle est capable d'effectuer jusqu'à 24 trillions d'opérations d'apprentissage profond par seconde. La Robocar devrait commencer à limer l'asphalte d'ici les prochains jours, en fait, parce que l'article dit dans quelques semaines et ça date quand même de la fin du mois de février. Ensuite, la réalité augmentée pourrait diminuer la violence au volant. Les conducteurs se sont déjà énervés derrière leur volant pour des raisons très diverses. Je sais pas si t'es à pied ou en voiture. Souvent en voiture. Ouais, tu te fâches un peu. Hein? T'as l'air d'un gars tellement violent. Hein? Ah oui. Chao Wang et ses collègues de l'Université de technologie de Heidelberg aux Pays-Bas ont développé une application permettant d'augmenter la communication entre les conducteurs. Parfois, bon, une personne a une très bonne excuse pour ne pas conduire correctement et l'application permet aux conducteurs de le faire savoir aux autres en affichant sur un affichage qui est à l'arrière de la voiture. À l'arrière, c'est ça? Donc, on imagine où à l'avant? C'est à l'avant, je crois. Donc, tu vas pouvoir faire savoir à l'autre, disons que tu es en urgence pour te rendre à l'hôpital parce que ta femme va accoucher, tu pourrais le dire au conducteur à côté. L'application utilise l'appareil photo de votre smartphone pour scanner un autocollant qui est placé, bon, c'est à l'arrière, j'avais raison au départ. Hein. Pour que le système soit efficace, il faudrait donc que tout le monde participe. Difficile de penser que ça va se généraliser, nous dit l'article, mais un petit test a déjà été réalisé sur 30 personnes en simulation de conduite et les résultats étaient positifs. Ensuite, on reste dans les affichages dans la voiture. Le GPS apparemment nous ferait perdre le sens de l'orientation. Ça m'est déjà arrivé de me rendre dans la mauvaise ville parce que le code postal n'était pas le bon sur mon GPS. Non. Pas fort, ça. Mettons, on suit beaucoup à nos machines maintenant. Vraiment, là, je suis naïf là-dedans, je m'assume. Non, mais tu sais, je veux dire, dans une même ville, t'as deux noms de rue pareils, c'est quoi, là, tu sais? Ça n'a pas rapport. Bref, pour se repérer dans une ville, notre cerveau fait travailler son propre GPS, c'est ce qu'on appelle l'hippocampe. En revanche, si c'est un ordinateur qui nous indique le trajet à suivre, l'activité du GPS du cerveau s'éteint. Alors, qu'adviendra-t-il de notre sens de l'orientation? En 2014, le prix Nobel de médecine avait récompensé les travaux de trois chercheurs ayant mis en évidence le GPS du cerveau, des cellules donc de l'hippocampe, qui aident les animaux à enregistrer les informations spatiales pour s'orienter. Mais que font ces cellules si l'individu suit les instructions d'un GPS dans sa voiture ou sur son smartphone? D'autres chercheurs ont étudié l'activité du cerveau lorsqu'il doit se repérer dans un réseau de rues, prévoir un trajet et gérer des détours imprévus. Dans leur expérience, 24 personnes ont tout d'abord appris à se repérer dans les quartiers de Soho, dans le centre de Londres. Puis les participants ont visionné un film en même temps qu'un scanner enregistrait leur activité cérébrale par IRM fonctionnel. Deux zones du cerveau intéressaient les chercheurs. Premièrement, l'hippocampe, impliqué dans la mémoire et l'orientation, et le cortex préfrontal, qui sert à planifier et à prendre des décisions. Parfois, le film était arrêté et les participants devaient trouver leur chemin pour rejoindre une destination en disant s'il fallait tourner à droite ou à gauche à chaque carrefour. Les résultats sont présentés donc dans la revue Nature Communications. Les chercheurs ont trouvé que lorsque les participants devaient s'orienter par eux-mêmes sans aide d'appareils de type GPS, l'activité de l'hippocampe et du cortex préfrontal correspondait assez bien aux décisions qu'ils devaient prendre. Ces zones connaissaient des pointes d'activité quand les volontaires entraient dans une nouvelle rue. L'activité cérébrale augmentait avec le nombre d'options à choisir. En revanche, quand les participants suivaient les instructions de l'ordinateur pour s'orienter, il n'activait pas autant ses aires cérébrales. Ce qui a vraiment du sens, tu fais vraiment confiance. Mm-hmm. C'est normal. Donc, le GPS de votre cerveau se mettrait au repos si vous vous en remettez à une navigation pilotée par satellite. Ces résultats soulèvent aussi quelques interrogations sur le sens de l'orientation des nouvelles générations qui utilisent un smartphone. En effet, le problème, c'est pas les machines, c'est le monde. Ben là. T'sais, dans les machines, c'est bien beau, mais là, hein? Leur GPS interne pourrait donc être moins sollicité. Donc, moins sollicité, c'est comme des muscles, hein? Quelqu'un qui bouge pas, tu sais. Ben, c'est ça. C'est ça. Ensuite, on va chez Goodyear. On reste dans les voitures avec des pneus avec intelligence artificielle. Oh! Oh oui, mon pneu intelligent, c'est fun de dire ça. Le manufacturier, il va falloir les charger à tous les soirs, ça va être l'enfer. Tout va se charger pendant la nuit, ça va être incroyable. Donc, le manufacturier Goodyear a présenté Legal 360 Urban, un concept de pneu sphérique bionique connecté à une intelligence artificielle. Cette dernière est capable de changer le profil du pneu en fonction des conditions météorologiques et de l'état de la route. Dans une automobile, le pneu est un équipement vital, merci de nous le rappeler, dont l'état et les performances ont une incidence directe sur la sécurité des personnes. Aussi, alors que les constructeurs automobiles occupent la scène médiatique avec leurs projets de voitures autonomes, il est intéressant de voir que les fabricants de pneumatiques ne sont pas en reste. Profitant du salon de l'auto de Genève, Goodyear a dévoilé un concept audacieux de pneus qui associe l'intelligence artificielle et les matériaux polymorphes. Legal 360 Urban est en fait un pneu sphérique pouvant tourner dans toutes les directions. Il est recouvert d'une peau bionique en polymère très souple, grâce à laquelle le pneu sera capable de sentir l'état de la route au moyen de capteurs. La structure de la bande de roulement pourra ainsi être modifiée selon les conditions. En cas de pluie, le pneu créera des alvéoles afin d'améliorer l'adhérence ou passera sur un profil lisse sur route sèche. Je ne sais pas si ça pourrait être des pneus 4 saisons au Québec avec la neige. Ça serait compliqué. Cette métamorphose s'opérera grâce à une mousse à mémoire de forme. Comme ton matelas, comme ton oreiller, qui constitue le cœur du pneu et qui est activé par stimulation électrique. Goodyear n'hésite pas à comparer ce procédé à la peau humaine, notamment parce que le pneu est capable de s'auto-réparer. En cas de dommage sur la surface, il va pivoter de façon à créer une bande de roulement différente pour laisser la partie endommagée se réformer grâce à l'action de matériaux qui vont réagir chimiquement et physiquement à la perforation pour cicatriser. Cette technologie de pointe sera pilotée par une intelligence artificielle qui analysera les informations renvoyées par les pneus afin d'adapter leur configuration en temps réel. Les étudiants de l'école de design ISD Rubica de Valenciennes ont planché sur un véhicule autonome équipé de deux pneus de ce type. Des idées prometteuses, nous dit-on, mais qui pour le moment demeure à l'état de concept, mais quand même méchante belle idée. Je me demande la rapidité de l'adaptation. Ouais. Parce Coucou gadget pneu! Au Québec, dans le même mètre, on peut avoir de l'asphalte, de la glace noire, puis du sable. Tellement! Je sais pas, mais j'ai hâte de voir ça. Je pensais qu'on allait changer les routes pour des routes intelligentes avant de changer les pneus pour des pneus. Ensuite, un projet de minibus. On monte en termes d'ampleur. Là, on passe de voiture à minibus sans conducteur à Montréal. As-tu entendu parler de ça? Non. C'est cool. À Montréal qui voudrait faire circuler des navettes électriques sans conducteur au centre-ville cet automne. Les discussions sont en cours à Montréal afin de faire circuler des minibus électriques sans conducteur dans un secteur du centre-ville de Montréal, selon les informations de Radio-Canada. L'Institut de l'électrification et des transports intelligents travaille sur un projet pour offrir ces navettes aux Montréalais cet automne. Ces navettes sont généralement des véhicules qui peuvent transporter une dizaine de personnes. Robotisées, elles sont équipées de nombreux capteurs leur permettant d'interagir avec leur environnement urbain. La ville n'a pas encore officiellement choisi le fournisseur de navettes et les discussions se poursuivent. J'espère que ça n'ira pas en appel d'offres pour prendre le plus cheap de la gang. Mm-hmm. Selon les informations de Radio-Canada, deux compagnies ont été nommées durant les discussions entourant la mise en place du projet. Il s'agit de la compagnie française EasyMile, c'est très français, hein? EasyMile, qui fournit déjà des navettes à la Société de transport en commun de Paris. La seconde compagnie est un partenariat entre le groupe franco-canadien Keolis Canada et le fabricant français de navettes autonomes Navia. Keolis Canada confirme que les discussions sont en cours, sans nommer la ville de Montréal. Le partenaire de Keolis Canada, Navia, se vante d'avoir transporté plus de 100 000 personnes depuis 2015 grâce à sa flotte de 30 minibus. Navia a participé à des projets similaires dans plusieurs villes, notamment dans des aéroports. Vous pouvez aller voir une petite vidéo de présentation de Navia, c'est tout cute, sur assemblagerequis.com. Il nous reste deux petites dernières. On y va dans les airs maintenant avec Boeing qui adopte l'impression 3D. Après les chaussures, tantôt. Après les chaussures et les avions. L'avionneur Boeing vient d'annoncer avoir obtenu l'accord de la Federal Aviation Authority aux États-Unis pour pouvoir utiliser des pièces en titane fabriquées par l'impression 3D pour son 787 Dreamliner. On dit 787, hein, je sais. Voilà qui va lui permettre de faire des économies substantielles par appareil. C'est un pas important qui vient d'être fait pour le recours à l'impression 3D dans l'aéronautique. Et donc, on vient d'approuver l'usage de pièces en titane imprimées en 3D. C'est la première fois que c'est utilisé dans un avion commercial. La fabrication est assurée par l'entreprise Norsk Titanium, qui a développé un procédé d'impression 3D nommé Rapid Plasma Deposition, qui consiste à faire fondre du fil de titane dans un nuage de gaz argon inerte. Ça, c'est geek en tabarnouche. Par rapport à une technique traditionnelle de forgeage et d'usinage, cette méthode a l'avantage de réduire les coûts et de la matière première brute et de l'énergie consommée durant la production. Pour Boeing, l'économie réalisée est substantielle puisqu'elle s'élèverait à 3 millions de dollars par Dreamliner, dont le coût total de fabrication est estimé à 265 millions de dollars. Cet avion est en effet très cher à produire en raison de l'usage important du titane à la place de l'aluminium. Selon les informations de l'agence Reuters, les seules pièces en titane du 787 qui comptent pour 15% de la masse totale de l'appareil représentent un budget de 17 millions de dollars. Alors que le premier Dreamliner a été livré en 2011, sa production a engendré quelque 29 milliards de dollars de pertes pour l'avionneur. Elle n'est profitable que depuis l'année dernière et la pièce en titane du Dreamliner ainsi que l'imprimante 3D qui sert à la fabrication, imagine, je sais pas, ça... C'est sûrement une grosse machine. Oui, c'est... Donc, ça va être exposé au Salon aéronautique du Bourget. Ça se tient à Paris, ça, pour ceux qui passent dans le coin, du 19 au 25 juin. Bon, là, en fait, semaine. Et on termine, tant qu'à être dans les airs, avec un concept de drone navette chez Airbus. Allié à Ital Design, Airbus a dévoilé son concept de navette modulaire biplace, tantôt voiture électrique, tantôt drone autonome ou capsule pour un transport terrestre à grande vitesse type Hyperloop. Décide-toi. Le tout sera géré par une intelligence artificielle qui choisira la combinaison la plus efficace en fonction du temps de trajet et des préférences des voyageurs. Airbus annonçait en début d'année qu'il travaillait à un projet de voiture volante en vue de créer un service de taxi que les usagers pourraient réserver via une application mobile. On a fait le plan stratégique de c'est fou que ça va jusqu'en 2022. Les chars vont clairement voler jusqu'en 2022. J'espère. Le constructeur aéronautique indiquait qu'il comptait tester un premier prototype d'ici fin 2017. En réalité, c'est sur un concept encore plus ambitieux que planche Airbus. À l'occasion du Salon international de l'automobile de Genève en Suisse, l'entreprise toulousaine a dévoilé un projet de transport multimodal baptisé Pop-Up. Conçu en partenariat avec la firme italienne Ital Design, spécialisée dans l'ingénierie pour l'industrie des transports, il s'agit d'un système de navette modulaire qui se compose de trois éléments, une capsule en fibre de carbone pouvant accueillir deux passagers, un châssis quatre roues à propulsion électrique, un module aérien à 8 rotors électriques aussi. La capsule indépendante pourra être connectée à l'un ou à l'autre de ces modules en fonction des besoins. Selon le scénario de déplacement, la capsule pourra se transformer en voiture électrique ou en drone à pilotage autonome pour emprunter la voie des airs. Une troisième option envisagée consiste à intégrer la capsule à un système de transport à grande vitesse comme le Hyperloop. Dans les faits, ce système de transport, qui sera vraisemblablement proposé comme un service, s'utilisera à partir d'une application mobile. Une fois que le voyageur aura indiqué sa destination, une intelligence artificielle proposera plusieurs scénarios en tenant compte, oui, de l'état du trafic et des préférences du voyageur. Voilà, ça bouge pas mal dans les transports. Ça bouge dans les transports. Ben c'est ça, on aurait pu appeler la chronique de même, ça bouge dans les transports. Avant de continuer avec la chronique sur la Nintendo Switch, juste après la pause, donc dans notre deuxième bloc, on écoute une pièce qui nous provient de Temp Sound Solutions. leur album Now You're Playing With Power. Tu comprends le lien avec Nintendo. Hein? Voici la chanson Balloon Fight. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou. Bonjour Mathieu Plante, je m'appelle toujours Mathieu Plante et je suis accompagné de Frédéric Simon cette semaine. Et bonjour Mathieu! Bonjour à toi! Bonjour! Ça va toujours bien? Toujours! Oui, première fois que tu nous viens à l'émission, que tu nous viens? Que tu te présentes, que tu viens à l'émission là. Oui, oui, je sais pas, oui, j'avais compris. Ouais. On te connaît assez fou pour plein d'autres choses, Matière Noire entre autres, mm-hmm. les mardis soirs. Est-ce que t'as participé à d'autres émissions? T'as fait Génie en Liberté peut-être, non? Non, même pas, ça n'a jamais à donner. Samuel Girard est donc ben pas fin. J'avais des cours les jeudis matin entre autres. Sinon, ben, j'ai participé une fois avec elle, à Assemblage avec qui? Absolument, à notre grosse pointe d'adresse de décembre. Mmh. On te connaît pour la Luître aussi, tu co-animes avec moi. Vraiment cool. Mais bref, là, on est là pour parler de jeux vidéo. En passant, pour ceux qui se demandent où est Samuel Girard, il va continuer. Là, il y a une chronique de prévu pour la semaine prochaine. Après ça, il va falloir se trouver un nouvel horaire. Que voulez-vous? Mais bon, on est heureux de t'avoir aux deux semaines. Ben, ça fait plaisir. Hein, c'est comme ça. Donc, parlons de la Nintendo Switch que tu t'es procuré à sa sortie, si je me trompe pas. Ah oui, j'ai pas fait le line-up. J'ai réussi à la précommander. Oh! En fait, à ma grande surprise, puisque j'avais été faire le tour des magasins où eBay Games prenait les précommandes que la première journée où ça a été annoncé. Alors, 24 heures de précommande et pour la Switch et pour Zelda. Par la suite, Microplay, on n'en faisait pas non plus. Puis, par hasard, je me suis promené au Toys R Us avec mon ami. J'espérais que tu dises Toys R Us parce que c'est le magasin où j'achète tous mes jeux parce qu'ils sont souvent moins chers et pas mal tout le temps disponibles. Oui, mais je suis allé au Toys R Us avec Marc-André Marion Flamand de la Lutte. J'ai peur de la suite. Ils n'avaient pas non plus. Non, ils avaient une pile de feuilles disponibles pour des précommandes. Oh, jackpot! Donc, jackpot. Lui, il m'a convaincu. J'étais pas sûr de vouloir la précommander. Ben, il m'a convaincu de le faire et je l'ai pas regretté. Non, ben, j'imagine que non. Parle-nous un petit peu de ta Nintendo Switch. Pour commencer, t'as choisi le modèle que j'aurais choisi, complètement noir. Oui, le modèle sobre qu'on pourrait le... Ben, tu sais, je comprends l'idée d'avoir des manettes bleues ou rouges, mais c'est le mix and match que j'aime pas. Il te force à avoir le modèle bleu à gauche, rouge à droite. Oui. Tout à fait. Si tu veux avoir une autre manette, faut que tu prennes un autre pack qui est, lui, bleu à droite et rouge à gauche, ou quelque chose comme ça. Ouais, les Joy-Con qu'on appelle pour les manettes. Oui, une petite manette sur le bord. Écoute, le menu, en plus, de la Switch est hyper sobre présentement. Il n'y a pas de fond d'écran. C'est pas Nintendo, C'est pas très Nintendo. Ça fait quasiment Sony. J'imagine que ça va changer éventuellement, notamment parce que le online... Tout ce qui est en ligne, en fait, va être modifié et va devenir payant comme pour Microsoft et Sony. Pour l'instant, c'est vraiment gâtez-vous, free for all, tu peux jouer en ligne. Non? Oui. OK, oui. Mais mais il n'y a pas grand-chose pour l'instant. C'est un peu ma déception, entre autres pour le Nintendo eShop. Oui, la console virtuelle, entre autres, les vieux jeux. Les consoles virtuelles n'est pas encore présente. Ça a été confirmé que c'était pas pour être... présent à la sortie, mais c'est toujours pas présent. Il y a quelques petits jeux indépendants. Tu peux aussi acheter pour le même prix qu'en magasin qu'une boîte le jeu électronique, pas de boîte. En effet. Mais en tant que collectionneur, on aime avoir les objets physiques. Ben pour le même prix. Pour le même prix. Ouais. Puis s'il y a une casse ou quelque chose, voilà. Voilà. Mais oui, comme je parlais du Nintendo eShop, il y a certains jeux qui s'y retrouvaient. Il y a Shovel Knight, entre autres, qui est un excellent jeu rétro. Rétro récent. C'est un jeu moderne, mais fait à la rétro. Mais l'offre était pas très présente. Il y a la démo de Splatoon 2. Oui. C'est quand même bien. C'est quand même bien, mais encore là, c'est une démo. T'as pas de démo de jeu qu'on attend vraiment, là, comme de nouveau Mario. Il y a pas ça encore. Mario Odyssey qui est prévu pour l'hiver prochain. J'ai vu décembre. C'est vraiment tard pour le. Tu sais, je pensais automne ou, tu sais, genre avant les fêtes, le 29 décembre, genre. Pour Noël. Ouais. Ils vont sortir. Exprès pour Noël. Pas sûr. Sinon, à la sortie initiale, il y avait des jeux comme 1-2 Switch, Bomberman, évidemment Zelda Breath of the Wild, Just Dance, et comme j'ai dit, Shovel Knight sur le eShop. Mais j'attendais la Switch pour avoir la Virtual Console. Oui, ben oui, mais moi aussi, c'est ça. C'est pourtant, en plus, c'est super populaire. Il aurait dû se concentrer sur faire ça. On dirait qu'il avait déjà décidé la date depuis longtemps, puis qu'il fallait absolument que ça sorte à ce moment-là. C'est ce qui est un peu que la plupart des sites comme IGN propose comme théorie, c'est que la Switch a été vraiment poussée rapidement pour remplacer la Wii U, c'est ça? Oui, la Wii qui est d'ailleurs discontinuée, qui n'est plus en production. Un énorme insuccès, la Wii U. Hein? Mais pourtant, il y a des belles choses sur la Wii U. Oui, donc, succès d'estime en masse, mais succès... Donc, la Virtual Console. Ah, c'est ça, ben oui, effectivement. Sinon, mais je pense que vous en avez quand même pour votre argent avec la Switch. Oui, ben, on va dire, mettons, combien les choses coûtent. C'est plate de dire ça en ondes, de dire combien tu as dépensé sur ta carte de crédit, mais on va dire que la console, en tant que telle, commence à... la base, c'est 400. 400 $ pour la console. Plus taxes. Oui. 400 $. Ensuite, c'est que la console. C'est juste la console. La manette, je t'ai amené la manette Pro Controller. Pour vraiment jouer à un jeu vidéo, il te faut une vraie manette à la style Xbox, comme sur la Wii U, mais encore meilleure. D'ailleurs, l'ergonomie, je la trouve franchement bonne. Oui, vraiment. Je la trouve très confortable. J'ai juste vu, je l'ai pas encore touché. Est-ce que t'as déjà essayé celle de la Wii U? Est-ce que t'as vu une différence avec la Wii U et celle-là? Ah oui, franchement plus confortable que celle de la Wii U. Ok. Et ce que j'ai regretté quand j'ai vu l'article, c'est qu'il n'y avait pas de gâchette, comment t'appelles ça, analogue, elles sont numériques. Non, c'est on effet, ou off, il n'y a pas de degré. En effet. Donc les jeux de GameCube, exemple, pourraient pas être émulés de la même façon sur la console virtuelle si jamais ils sortent des jeux de GameCube. En effet. Dommage ça. C'est très dommage. Je l'ai raté. Mais. Mais. on parlait du prix tantôt. Oui. C'est un mythe négatif. Elle est chère, cette manette Pro Controller. C'est 90$ plus taxes. Oh, wow! C'est quasiment 100$. C'est quasiment 100$. C'est le quart du prix de la console. En effet. Ça n'a aucun sens. Mais elle est chargeable en USB-C, fait que t'as pas besoin d'acheter de fil supplémentaire. C'est un... Il y a ça de un bon. Un petit 10$ de sauver, je sais pas trop quoi. Mais bon. Si, j'ai vu aussi qu'ils ont inversé à droite, je crois, les boutons et le joystick. Sur la Wii U, était le contraire. Le joystick était à droite des boutons X, A, Y, B. Oui, en fait, ils sont à la même hauteur aussi sur la manette de Wii U. Tandis qu'ici, ils sont vraiment... C'est le Xbox... Ouais. La c'est parfait, elle a l'air parfaite. Est-ce que c'est le D-pad et le joystick qui ont changé de place ou les boutons X, Y, A, B? Rendu là, c'est un détail. Hein. C'est le D-pad et le D-pad, ouais. Bon, ça semble aussi. Donc ça, c'est 90$. Là, t'as acheté... t'as pas acheté... L'autre, ça venait avec, hein, le petit truc pour mettre les Joy-Con sur le côté. Oui, la manette, en fait, pour jouer lorsque la console... L'écran est retiré des manettes. Sur le support, en fait, pour jouer sur la télévision. En HDMI, ouais. Oui, ça vient avec la console. Donc, c'est compris dans le 400$. Par contre, ça vient avec, pour le modèle de plastique que tu branches tes Joy-Con, mais si tu veux le modèle qui permet de charger les batteries en même temps de tes Joy-Con, il faut que tu l'achètes à part. Oui. Et là, ça doit coûter un autre genre de 50$. Ça. Mais ça, j'en ai pas. De toute façon, j'ai ma manette Pro Controller et sinon, je m'amuse directement sur ma console. C'est assez. L'étui, genre 15$, 20$. Ouais, c'est ça, à peu près. C'est une biogénique... marque générique, générique bien correct. Donc en tout 400 plus 90 plus à peu près 10$, ça fait à peu près 600$. Voilà, mais j'ai pas de jeu encore. 500$ plus taxe, ça fait à peu près 600$. Ouais, c'est à peu près. Pas de jeu encore, c'est pas vrai. De jeu encore. Combien de jeux t'as acheté? J'ai que acheté Zelda je pour l'instant. C'est ce que j'aurais fait. Il y avait pas beaucoup d'offres pour l'instant. One to Switch, c'est cool, il aurait dû venir avec. Oui. Oui, ça a été le fun, un peu comme avec Wii Sports, Wii Resort. Ou, c'est des mini-jeux, en plus, t'as même pas d'image. Fais juste regarder, ben, t'as un mot à l'écran qui dit mm-hmm. genre, regarde pas devant, tu regardes devant toi. T'sais. Fait que, en tant que tel, ça aurait pu être un jeu gratuit. Mais... Puis on vante avec Nintendo que c'est souvent la console familiale. Ouais. One to Switch, c'est le jeu par excellence présentement. C'est ça, si tu veux montrer ce que la console fait. Continuons en parlant un petit peu de ce que la console fait, parce que là, on a parlé des Joy-Con qui pouvaient être détachés. Pour ceux qui ne savent pas encore, qui nous suivent, on peut jouer avec les Joy-Con attachés à la manette. Oui, Joy-Con attachés à la console directement. Les Joy-Con séparés, simplement libres, sans le support au milieu. Sinon, on peut jouer... sur la console, il y a un petit pied. Il y a un petit pied qu'on peut appuyer et jouer avec n'importe quelle manette, dans n'importe quelle configuration. En mode tablette un peu. Sur cette tablette, la tablette, effectivement. Et répéter le tout sur la télévision. Oui. Donc, logiquement, avec le petit dock qui va se vendre aussi à part pour un autre genre de 100 quelque chose de l'heure. Là. Il me semble, je me rappelle pas, c'est 125, quelque chose comme ça, il me semble, en canadien. Mais tu peux l'avoir, ça vient avec la console. Oui. Mais si tu veux jouer dans d'autres pièces, il faut que tu enlèves ton dock du HDMI, que tu l'amènes dans une autre pièce, que tu branches ça. Voilà. Si tu veux. C'est bon. C'est quand même le fun parce que comparé à la Wii U, tu pouvais jouer sur ton écran, tu pouvais juste jouer dans la maison et des fois, c'était pas la même expérience qu'à la télé. Donc tu pouvais pas continuer de jouer sur ta console. En effet. Là, tu peux. C'est une console qui appelle de style hybride, donc une console de salon et une console portative. Maintenant, on parle de batterie, évidemment. Oui, oui. Combien d'heures est-ce qu'ils estiment? Autonomie estimée à environ 4 à 6 heures. OK. C'est quand même raisonnable pour un écran de, je crois que c'est 720p. C'est 720p, oui, sur la console. Sinon, ça peut être à 1080p si tu joues sur la télévision. C'est juste un petit peu en bas de 1080p sur la télé. Je crois que c'est 900 quelque chose p, mais bon, on va dire à peu près 1080. Parce qu'il y a toujours les données de transfert. Et... on va arrondir. Mais effectivement, la résolution est vraiment excellente, surtout sur un écran de cette taille-là. Il n'y a pas de lag du tout dans Zelda, rien? Non, vraiment pas. Okay. En fait, il y a un léger lag parfois lorsqu'on joue à la télévision. Ah, OK. Ouais, ça me surprend un petit peu. Est-ce que t'as un grand délai quand tu mets ta console, t'es en train de jouer en mode mobile, tu commences à te docker? Absolument pas de délai. OK. De bord et de l'autre, là, quand tu reviens au mobile après? C'est encore moins long lorsqu'on retire la console du dock. Okay. C'est vraiment instantané. Tandis que sinon, on a 3 secondes, mais c'est souvent la télévision qui doit faire... j'ai reçu un input, il faut que je le projette. Donc oui, vraiment pas beaucoup de délai. C'est vraiment une très belle bébelle. Confortable. Confortable, mais T'avais l'air surpris quand je t'ai dit je le trouve confortable même lorsque je joue sur la console. Ouais, j'aurais pas pensé parce que c'est vraiment énorme. Là. C'est comme jouer avec un iPad mini avec des manettes à ses côtés. Ça. Vraiment plus large qu'un iPad, mais vraiment plus étroit aussi. Ouais. Donc tu peux vraiment mettre ta main sur les gâchettes en tenant la console par tes paumes oui. de main. Là. Puis les gâchettes sont assez rapprochées l'une de l'autre, donc on peut simplement pivoter le doigt sur la console pour activer. Puis de toute façon, on en a parlé, c'est pas analogue, donc c'est on-off. Quand même. Sinon, qu'est-ce que j'ai comme question? Est-ce que tu as joué beaucoup avec la console sur les Joy-Con ou est-ce que tu as préféré jouer sur ta télé? J'ai quand même préféré jouer sur ma télé. Comme une vraie console avec la manette de Power Pro Controller. Oui, en effet. Je suis un gamer rétro, donc j'aime ça m'asseoir puis profiter de toutes les sensations. Ouais. Mais ça veut dire que t'as pas pu jouer avec les Joy-Con séparés là, à faire du mouvement. T'as pas encore eu l'opportunité. Non, de toute façon, j'ai vraiment que Zelda, puis il y a pas vraiment cette possibilité-là. Il y a pas les arbalètes comme dans d'autres. Non. Sur la Wii, je pense qu'il avait essayé plein de trucs avec l'épée. D'ailleurs, c'est un peu ce qui m'a fait décrocher de Twilight Princess sur la Wii. Au début de la Wii, là, la première du nom, là, j'ai tellement pas aimé le fait qu'il te force à faire des affaires comme ça, de shaker ta manette. Mm-hmm. Tu sais, sur la 3DS, c'était de souffler dedans. Puis la Wii U fait aussi ça, hein, souffler dedans, ça m'énerve. Tu peux pas souffler dans ta nouvelle Switch. Par contre, les Amiibo sont toujours disponibles. Oui, ça c'est cool. D'ailleurs, dans Zelda Breath of the Wild, on peut utiliser les Amiibo. Ça, c'est les petites figurines. Là. Tu peux aussi les utiliser sur la manette. Hein. Oui, d'ailleurs, sur la manette Pro Controller, on fait simplement la placer au centre. Puis dans le jeu, il y a une option qui fait apparaître des coffres dans Zelda. Ah, OK. Avec des choses intéressantes dedans. Oui. Évidemment, les Amiibo de Zelda vont donner des choses plus prestigieuses dans le jeu. Mais vous pouvez utiliser, par exemple, un Amiibo de Donkey Kong de Smash sur la Wii U. Ouais. Puis il va quand même donner un petit quelque chose. OK. Pas quelque chose qui a rapport avec Donkey Kong, mais quand même quelque chose. Non, peut donner par exemple de la nourriture. Ah oui, des bananes. Des bananes. Des bananes. Donc toi, tu dirais que ton verdict pour la Nintendo Switch, c'est un achat que t'es content d'avoir fait? Tu regrettes non? Ben, en fait, je regrette pour l'instant. Parce qu'il n'y a pas de jeu. Mais je sens que je ne regretterai pas plus tard. C'est un investissement. C'est un investissement. T'as préféré l'acheter plein prix au début. Moi, j'attends un peu. Je sais pas, j'attends vraiment que Mario sorte, je pense. Mais il y a quand même des sorties qui s'en viennent. On a parlé tantôt de Splatoon, de Mario. Il y a Mario Kart qui sort vendredi la semaine prochaine. C'est un remake de celui sur la Wii U. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses nouvelles, mais quand même. Mais pour les gamers rétro qu'on en parlait tantôt, les modes battle, entre autres, comme sur la Nintendo 64 avec les balloons, ça, on va bien aimer. Il va y avoir aussi quelques personnages, dont des personnages de Splatoon qui vont être ajoutés. Et tout le contenu téléchargeable de la version sur Wii U est déjà intégré dans le jeu. Oui, voilà. Sinon, Sonic Mania, que j'attends vraiment beaucoup. Encore un peu rétro, celui-là, c'est celui-là? Oui, encore en 2D. OK, oui, c'est ça. Dans le fond, un à l'image de Sonic the Hedgehog, vraiment un nouveau Sonic. Sinon, il y a Xenoblade Chronicles 2, Fire Emblem qui va sortir. Ils vont refaire encore une fois Skyrim adapté sur la Switch. Yooka-Laylee, je sais pas si t'as entendu parler. Oui, qui ont annulé sur la Wii U pour pouvoir la faire sur la Switch. Et voilà. C'est le gros succès indie en ce moment par les anciens de chez Rare, ceux qui ont fait Donkey Kong 64, Banjo-Kazooie. Oui. Vraiment, c'est un remake carrément de Banjo. Avec la même musique de Grant Kirkhope en plus. Là, tout ce que tu te rappelles de l'époque, c'est vraiment imité, mais avec d'autres personnages. Effectivement. C'est les personnages, c'est quoi? C'est un oiseau? C'est en fait une chauve-souris et un lézard caméléon. Oui, absolument. C'est beau. C'est très beau. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Je l'ai acheté, mais sur l'ordi. Ah ben, t'as pas attendu, sachant que t'avais une Switch? Non, puis d'ailleurs, j'ai joué un peu, j'en ai parlé avec Samuel Girard, qui l'a aussi acheté sur ordinateur. Ouais. On a bien aimé. Est-ce que vous allez le revendre, vous allez l'acheter sur la Switch, comment? Ça se peut. Non, mais tu sais, peut-être qu'ils vont avoir des affaires de plus, ils vont avoir le temps de le faire, peut-être, je sais pas. Peut-être. Mais j'ai pas terminé tantôt de parler des prix, parce que évidemment, Breath of the Wild a aussi son prix, donc un autre 80$ d'investissement. Hey, c'est-tu juste moi? Ou il me semble qu'un jeu à 80$ et une manette à 90$. Non, c'est pas juste toi. Le jeu, avec le temps, les gens qui ont passé dessus devraient coûter plus cher qu'une manette, là. Puis, mais le jeu vaut le détour, par contre. Ouais. C'est la manette qui est trop chère, c'est juste ça, c'est pas le prix qui est pas. Oui, tout à fait. Mais bon. Je comprends pas comment ça marche, ces affaires-là, mais c'est pas grave. 80$, c'est un bon investissement. Pour combien d'heures à date de jeu que t'as... Oh mon Dieu. le jeu en tant que tel, je vais parler un peu plus de l'expérience de mon coloc parce qu'il a plus joué que moi. Tu le regardes jouer? Je le regarde des fois. Puis j'ai d'autres amis aussi qui y jouent. Tu te défends d'avoir plus qu'un ami. C'est bien quand même. Le nombre d'heures, ça, je crois que ça se compte plutôt en jours de jeu et le jeu n'est pas terminé. Oh. Par contre, c'est possible de terminer le jeu très rapidement. Je suis amateur de speedrun. Ouais. Présentement, le record du monde a été établi. Il a été rebattu hier en speedrun. Donc, en 41 minutes et 4 secondes, le boss final était battu. Wow. Mais on profite pas du jeu. Ben non, absolument pas. Là. C'est comme quelqu'un qui. C'est comme un concours de manger rapidement. Là. Oui. Ton hot dog, il a pas goûté grand chose. Parce que l'histoire de Zelda est vraiment très bonne. Je ferai pas le spoiler ici. Non, s'il te plaît. Mais peut se faire rapidement si tu évites tous les objets que tu peux récolter, toutes les améliorations d'inventaire, si t'as pas toutes les sortes de tuniques. Faut que tu t'habilles dans le jeu là. Ah, tu dois t'habiller, tu dois te nourrir et tu dois t'équiper. Waouh, c'est comme un Tamagotchi. Une des grosses différences des autres jeux de Zelda, tes armes sont périmables. Ah, périmables, ils passent date, c'est quoi? Dans le sens que, oui, ils se brisent. Que ce soit une épée ou une branche de bois, comme dans Ocarina of Time, ton épée peut se briser après un certain nombre de coups. Ben, ce qui est logique, ouais. Oui, mais parfois, c'est frustrant parce que le nombre de coups n'est pas toujours très élevé. Ok. Donc, si t'arrives face à un ennemi qui est un peu plus puissant, que tu n'es pas préparé, attache-toi. Mm-hmm. Wow. Ben, ça a l'air le fun, Zelda, pour vrai, le nouveau Breath of the Wild qu'on se procure pour la Switch. Et ton prochain jeu que tu vas t'acheter, toi, personnellement? Personnellement, ça risque d'être Mario Kart. OK. Donc, vendredi prochain, probablement que je vais faire l'achat tout de suite. J'espère qu'il n'est pas 80$, là, c'est un remake. Je crois qu'il est à 70. Ben oui, merci, Nintendo. Merci. Oui, merci, j'ai déjà acheté à 70, ben, v'là 3-4 ans, tu sais. C'est ça. Ouais. Mais bon, Nintendo, c'est Nintendo, puis ils ont des bonnes idées parfois, d'autres c'est un ça. Peu moins bonnes. Est-ce que t'as d'autres trucs de Nintendo? Est-ce que t'as une 3DS? J'ai beaucoup de choses. J'ai la NES classique, entre autres. T'as la NES classique? J'ai la NES classique. Avant qu'il la discontinue? Avant qu'il la discontinue. Avant de la ramener plus tard avec d'autres jeux dessus, hein, clairement. Ouais, mais bon, probablement. Mais tu sais, ça c'est... Mais le gros problème présentement, c'est surtout les revendeurs qui font des affaires d'or présentement. Ça doit. Les prix avaient chuté. Dans les premiers temps, la console se revendait autour de 300$. Dans les dernières semaines, elle se vendait autour de 150$ sur eBay, sur Kijiji. Puis, voilà, annonce que c'est discontinué, 300-400$. On rappelle que c'est un morceau de plastique avec un émulateur dedans. Là, voilà. Vous pouvez le faire vous-même, là, mais 150$ pour ça. Ouais. Souvent, dans le monde du jeu vidéo, on parle du Raspberry Pi qui permet de faire encore beaucoup plus. Il y a juste 30 jeux, ça, classique. T'sais. 30 jeux. C'est sûr que c'est beaucoup moins esthétique, le Raspberry Pi. Oui. T'as pas le sentiment de nostalgie. Non, mais t'as la fierté de l'avoir monté toi-même. Oui. Voilà. Puis l'éventail de possibilités après ça est beaucoup plus grand. Mais évidemment, il y a encore des possibilités de hack sur la NES Mini. Mais c'est justement, c'est la théorie de bien des gens, c'est qu'ils l'ont retiré du marché parce que c'est trop facile à hacker. Ils vont en sortir un autre modèle pas hackable. Probablement. Écoute, j'ai été chercher un tutoriel sur Internet, ça m'a pris à peu près 15 minutes. J'ai ajouté une quinzaine de jeux facilement, puis je peux le refaire quand je veux. T'es pas correct. Ouais, maintenant que tu l'as, t'es pas mal... Ben, tu sais, c'est ça. Ouais. C'est ça qui est le fun. C'est pour ça qu'ils peuvent la vendre super cher sur les... chez les revendeurs. t'as vu qu'ils vont sortir une Genesis aussi classique chez Sega? J'ai pas vu ça. Ça s'en vient. Ouais. Pourtant, j'aime bien la Sega Genesis. Que tu te hackes ça aussi. Mais je vais prendre une pause présentement parce qu'il faut quand même que je me rétablisse de l'achat de ma Switch. Ben oui, financièrement et financièrement, oui. Mais continue de jouer avec, puis reviens-nous s'il y a des améliorations ou des trucs que tu veux dire. Est-ce que tu as eu un des nombreux problèmes sur Internet de, je sais pas si c'était des pixels morts, des vagues dedans, des... Non, présentement, j'ai eu aucun problème avec ma console. Je veux dire que je touche du bois, mais... Faut dire c'est que du vrai bois, la table. Oui. J'ai été chanceux aussi par le passé parce que j'ai la deuxième génération de Xbox 360 qui avait aussi le problème de Red Ring of Death. Ouais. Puis pourtant, j'ai jamais eu de problème aussi avec ma console qui a des années maintenant. Tu vois, c'est à cause de gens comme toi que ça me dérange d'être le gars le moins chanceux au monde avec mes affaires. Je suis tout le temps le citron de la gang. Puis toi, t'as tout le temps les bonnes affaires. C'est à cause de toi. C'est ma faute, je suis désolé, Mathieu. Peut-être que t'es mon nouveau porte-bonheur. Oh. Ah, peut-être. Je vais venir plus souvent. Ouais! Mais pour l'instant, 2 semaines. Ouais. Il faut dire que le matin où tu t'es blessé, j'étais présent à l'émission. Hey, c'est vrai, fait que tu me portes malchance en plus de me porter chance. Ah, c'est, ben dans le fond, oui, parce que c'est comme le mercredi où je me suis blessé, t'étais là, et le mercredi où je suis revenu, t'es là. Voilà. Entre les deux, il s'est passé quelque chose. Un mystère. T'étais pas là. J'étais pas c'est là. C'est ça. Ben t'as raison. Je sais pas. Bref. D'autres détails, est-ce que t'as, d'autres choses te viennent? Moi j'ai plus de questions. Ah non, je sais plus là. Ouais, c'est pas. On va suivre ça. On te retrouve dans 2 semaines. Est-ce que tu vas nous parler de Breath of the Wild? Est-ce que tu as déjà un sujet de prévu pour ça? Non, pas encore. Peut-être parler de ukulele, entre autres. Ah, ben oui. Ça, j'aimerais ça. Écouter de la musique. Justement, tiens, parlant d'écouter de la musique, allons entendre le fameux rap de ukulele. C'est drôle que tu me reviennes là-dessus. J'avais préparé ça. C'est comme si. Voilà. Ouais. Ouais. Ben, c'est bien le show. Hey, man, are you ready for this? Yeah, I was ready 20 years ago. Okay, let's do this. Here we go. So it's finally time. Oh, thanks to you. It's the game revival. To prove it with this familiar rap. His name's on the box, and he's green as heck. The cross is lizard, and you'll get wrecked. There's plenty of room between his orange crest, so he's the perfect partner for this buddy quest. He's quick, nimble, and rolls real fast, and he flies his pants on the shipwreck mast. Ukulele, a lizard and a bat. What's up with that? Ukulele, a lizard and a bat, and a snake in the hat. Her name comes second, but don't be fooled. Bad mouth is bad, and you'll get schooled. She'll send your head spinning with her sonar ring. She can soar through the air with her super strong wing. With her on your side, you're sure to find the many golden goodies the adventure hides. Ukulele, a lizard and a bat. What's up with that? Ukulele, a lizard and a bat, and a snake in the hat. They're finally together. Stronger as two. Zuka and Lily are real cool too. Their buddy Trouser will power your moves, while Dr. Puss provides some nuts and bolts and screws. We really hope you have a blast, cause this friendship is built to last. Come on, Rex, drop an old school beat. The Pagies and Cagies, we'll set them free. Just take a look at you all called ukulele. The Pagies and Cagies, who'll set them free? Just take a look at you all called ukulele. The Pagies and Cagies, who'll set them free? Just take a look at you all called ukulele. The Pagies and Cagies, who'll set them free? Just take a look at you all called ukulele. Vous êtes assez fou. 89. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. c'était le groupe. Est-ce qu'on avait une autre tune avant? Non, je pense que c'était pas mal. Ah oui, c'est la chanson de Ukulele qu'on a entendue juste avant. Ah, maintenant, toujours Mathieu Plancheau, c'est Television, Television. Television, Television, la chronique où on parle de nouvelles télévisuelles. Évidemment, ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas fait d'émission. Ça fait depuis le début du mois de mars, donc on va se rattraper sur pas mal de nouvelles d'importance. Commençons au Québec. Grande nouvelle, une nouvelle émission pour le réalisateur de Barmaids. Oui, un docu-réalité sur les fraternités. Simon Sachel, réalisateur derrière Célibataire et Nu et Barmaids, planche sur un nouveau projet de docu-réalité qui jettera un regard unique et jamais vu sur les fraternités universitaires montréalaises. Une idée donc du réalisateur qui a confirmé à showbiz.net. Il précise être en relation avec la plus importante fraternité francophone pour le projet. Celle-ci s'étendrait à l'heure actuelle dans plusieurs régions du monde. C'est ainsi qu'on pourra en apprendre davantage à propos de ces milieux dans lesquels évolue l'élite de demain. Il sera question d'initiation secrète, de bizutage, de parties privées et des personnes qui composent ces groupes exclusifs et plutôt secrets. C'est une production originale de That's It Studios. Pour l'instant, un diffuseur s'est montré très intéressé par la proposition, sans toutefois confirmer lequel. On peut penser qu'il pourrait s'agir de Musique Plus, bien sûr, étant donné que c'est eux qui présentent Célibataire et Nu et Barmaids. On indique aussi que la saison 2 de Barbies n'est toujours pas confirmée en date de l'article, mais ça va sûrement se passer très bientôt. Toujours au Québec, Marie-Louise Arsenault sera à la barre d'un nouveau magazine cet automne à Télé-Québec. Un magazine qui va décortiquer les images omniprésentes dans le paysage médiatique à la Media Buzz et autres Reliable Sources à la télé américaine. Donc dès l'automne, l'animatrice et journaliste Marie-Louise Arsenault sera à la barre d'une nouvelle émission qui posera un regard critique sur les médias à Télé-Québec. Ça va être un rendez-vous de 60 minutes qui permettra de décortiquer les images omniprésentes qui auront marqué le paysage médiatique, qu'elles proviennent de la couverture journalistique, de la publicité ou encore des réseaux sociaux. Avec des chroniqueurs et un invité différent chaque semaine, choisi selon l'actualité, Marie-Louise Arsenault discutera des images qui auront été diffusées dans les médias nationaux ou internationaux, celles qui auront généré la réflexion, qui auront frappé ou qui encore auront soulevé des passions. L'équipe sera composée d'experts allumés provenant de différentes sphères et reconnus pour leur œil avisé. Ils discuteront des médias, de la publicité, de marketing, de communication, de politique, de société ou encore des réseaux sociaux et analyseront l'impact de ceux-ci sur la vie des gens. L'objectif sera donc de démocratiser le sujet, de le décloisonner afin que le public puisse savoir ce qui se cache derrière les images léchées et parfaites que les médias diffusent abondamment. Ensuite, on va au Canada pour la nouvelle, pas mal, qui a fait le plus parler les médias canadiens cette semaine dans les médias. Les médias qui ont parlé des médias, on se comprend. Gian Gomeshi qui lance une nouvelle série en balado-diffusion. L'ancienne personnalité radio controversée Gian Gomeshi a refait surface avec une nouvelle série en balado-diffusion. The Ideation Project est décrit comme une aventure créative ayant pour objectif d'adopter une vision plus large des enjeux qui font l'actualité. Gian Gomeshi assurera l'animation, l'enregistrement et la production de la série, parce que personne ne veut travailler avec lui, en plus d'enseigner la musique originale. Le projet a été lancé avec un monologue de 6 minutes qui s'appelle Exiles, dans lequel on se demande, je cite, ce que cela signifie d'avoir l'impression de n'avoir aucun pays dans lequel on est chez soi. Le site web indique que les prochains épisodes couvriront une variété de sujets allant de la politique à la philosophie en passant par la culture populaire et la condition humaine. Le retour de Gian Gomeshi sous les projecteurs survient environ un an après qu'il ait été acquitté d'agression sexuelle sur 3 femmes. Il avait été congédié par CBC en octobre 2014 après que le diffuseur ait affirmé avoir vu des preuves que l'ancien animateur de l'émission Q avait causé des blessures à une femme. Vous pouvez aller voir sur Internet facilement pour toutes les nouvelles là-dessus. On ne reviendra pas sur le sujet trop longtemps. On va aux États-Unis maintenant. HBO et Tom Hanks préparent une mini-série sur la victoire de Donald Trump. HBO aux États-Unis et Tom Hanks préparent une mini-série racontant l'histoire de la victoire dramatique de Donald Trump sur Hillary Clinton lors de l'élection présidentielle de 2016. La mini-série sera basée sur la troisième partie de la série de livres de John Heilman et Mark Halperin de non-fiction Game Change, qui sera publiée par Penguin Press. En 2012, HBO avait fait une version cinématographique du premier livre, Game Change, qui couvrait l'élection de 2008. Le deuxième de la série, Double Down Game Change 2012, a couvert la campagne de 2012. Jay Roach va réaliser et produire la mini-série, tandis que Tom Hanks et Gary Goetzman seront également producteurs pour leur étiquette Playtone. Len Amato, qui est le président de HBO Films, a déclaré que l'émission promet de capturer l'événement le plus unique et impactant de la politique américaine moderne. Toujours avec Donald Trump, un talk show animé par un faux Trump à Comedy Central. C'est la chaîne câblée humoristique américaine qui va diffuser un talk show hebdomadaire animé par un faux Donald Trump, incarné par l'acteur Anthony Edmanwick, qui recevra des invités depuis un faux bureau ovale, assisté d'un faux Mike Pence, Michael Pantalon. Je cite dans le monde de The President Show, qui est le nom de l'émission, Trump contournera les médias malhonnêtes en animant une émission de deuxième partie de soirée directement depuis le bureau ovale. Pas de questions biaisées des journalistes, pas de séances photo bizarres avec des femmes allemandes et pas d'heure de coucher, annonce Comedy Central au sujet de l'émission qui durera une demi-heure et dont la première est prévue pour le 27 avril dans la case de 23h30. Case qui a été donnée à un correspondant du Daily Show pour l'automne, donc j'imagine que rendu à l'automne, l'émission va être déplacée de case horaire ou être terminée, on verra, dépendant du succès. Anthony Edmanwick s'est fait une spécialité des imitations de Donald Trump. Personnellement, je ne la trouve pas si bonne que ça comparée à d'autres, mais c'est pas grave. Donc, il l'a fait, entre autres, dans un spectacle que j'ai regardé pas mal, qui s'appelait Trump vs. Bernie, durant lequel il débattait avec un faux Bernie Sanders, candidat à l'investiture démocrate lors de la dernière campagne présidentielle. Le spectacle avait fait l'objet d'une tournée de plusieurs mois dans de nombreuses villes des États-Unis. Le faux Donald Trump sera flanqué, donc, comme je disais tantôt, d'un faux Mike Pence, le vice-président étant joué par l'acteur Peter Gross, vu notamment dans la série Veep. Comedy Central est la chaîne du groupe Viacom qui est connue pour South Park, le Daily Show entre autres. Donc The President Show va être à 23h30 juste après le Daily Show à partir du 27 avril prochain. On reste dans les choses politiques et les choses de gars qui font les choses déplacées, tiens, on va le dire comme ça. Roger Ailes va avoir une mini-série qui s'en vient sur Showtime, une mini-série sur l'ancienne chair chairman de Fox News et le président-directeur général Roger Ailes s'en vient sur Showtime. En octobre, c'était The Hollywood Reporter qui avait révélé que Blumhouse Television développait le projet basé sur les articles de Gabriel Sherman dans le New York Magazine. Sherman qui avait aussi sorti un livre sur Ailes en 2014 nommé The Loudest Voice in the Room. Et bien maintenant, la mini-série qui s'appelle dorénavant Secure and Hold, The Last Days of Roger Ailes, s'en vient sur Showtime. Un projet qui va être guidé par Tom McCarthy, qui a écrit et réalisé le film Spotlight, gagnant d'Oscar. L'annonce arrive à peu près en même temps que la controverse au sujet de Fox et les nouvelles allégations de harcèlement sexuel de la part de Roger Ailes et de Bill O'Reilly sur Fox News. Qui, breaking news, en passant, on vient de me le dire par message texte que c'était fini pour Bill O'Reilly. J'aurais aimé ça savoir ça avant que l'émission commence, parce que j'aurais pu en parler un petit peu. Mais bon, donc Bill O'Reilly qui vient de perdre son emploi chez Fox News apparemment. Documentaire sur Julian Assange diffusé à Showtime. La chaîne américaine câblée Showtime va diffuser dans les prochains mois un documentaire sur le fondateur controversé du site WikiLeaks, Julian Assange, réalisé par Laura Poitras, à qui Edward Snowden avait remis des documents de l'agence de renseignement NSA sur les programmes américains de surveillance. Filmé sur 6 ans, y compris la campagne présidentielle américaine en 2016, le documentaire baptisé Risk amène les téléspectateurs dans le cercle rapproché d'Assange. La chaîne s'est associée au distributeur Neon pour une sortie en cinéma avant sa diffusion à la télé cet été. Les agences américaines du renseignement accusent Moscou d'avoir interféré dans la présidentielle américaine au profit de Donald Trump en diffusant notamment sur le site WikiLeaks des documents discréditant la candidate démocrate Hillary Clinton. Maintenant, on parle de reboot, de retour. On sait que c'est la mode de ramener des vieilles choses et on commence avec A&E Networks qui ramène Biography. Oui, la franchise biographie, d'émission biographique gagnante de Emmy qui va être de retour, mais en tant qu'événements spéciaux. Ça va être une franchise donc numérique, linéaire et globale, complètement réimaginée, nous dit-on, qui va focusser sur des événements ou des personnalités et leur impact sur la culture. Biography va commencer sur A&E, ensuite sur History, la chaîne l'équivalent d'Historia, et Lifetime, un genre de canal vie américain, au niveau domestique et internationalement, sur toutes les plateformes, à partir de ce printemps. À l'origine, donc pour la nouvelle série, on prévoit de faire une série en 6 heures. Sur la vie et la mort de Tupac Shakur. Il va y avoir un documentaire de 2 heures sur le meurtre du rappeur Notorious B.I.G. et 4 docu-séries de 4 de... Non, c'est vraiment mêlant parce qu'ils vont faire 6 heures différentes pour Tupac Shakur. Il va y avoir l'autre, ça va être une docu-série de 4 heures une seule fois. On comprend, il y a assez de différents formats pour voir qu'est-ce qui va fonctionner, mais le docu-série de 4 heures va être sur la légendaire famille de crime Gambino. Ça va être raconté via la relation entre John Gotti et son fils, John Gotti Jr. Il y a d'autres projets qui sont prévus aussi sur la vie de Vladimir Poutine, Mike Tyson, Elizabeth Smart et David Koresh. Donc, vous pouvez aller voir les détails si ça vous intéresse sur assemblagerequis.com, mais tout ça s'en vient à partir du printemps. toujours en revival, on ramène Facteur de risque, qu'on appelle la Fear Factor, mais cette fois-ci sur MTV. Oui, MTV qui ramène Fear Factor pour une nouvelle génération, le deuxième reboot de cette série-là. Viacom, donc, qui a commandé 10 nouveaux épisodes de cette série de la compagnie Animal Shine North America. C'est la vedette du rap Ludacris qui va être animateur et producteur exécutif. La série va, encore une fois, mettre au défi des participants devant des défis physiques et mentaux, voilà. Ça devrait commencer le 30 mai prochain. Ludacris, qui est de son vrai nom Chris Bridges, ajoute un élément musical à MTV dans la série. Et apparemment que ça fait partie d'un pacte que MTV a signé avec Ludacris. C'est basé sur un format hollandais, Fear Factor, qui a été un hit pour NBC entre 2001 et 2006. Il y a une version québécoise de TVA avec Benoît Gagnon, on se rappelle. NBC a d'ailleurs ramené la série par après en 2011 avec une autre saison. C'est Joe Rogan qui animait la version américaine. Et pour l'instant, ça va revenir, comme je disais, au mois de mai avec Ludacris. Ensuite, le retour de notre ami Amy Poehler et de Nick Offerman de Parks and Recreation sur NBC aux États-Unis, donc qui a commandé 6 épisodes d'une nouvelle télé-réalité du duo de Parks and Recreation. Ça s'appelle The Handmade Project, c'est de Paper Kite Productions qui appartient à Amy Poehler et à Universal Television Alternative Studio. C'est une nouvelle série réalité de compétition qui explorera le monde de l'artisanat, bricolage et autres scrapbooking. Les concurrents seront en compétition avec ensemble pour impressionner Amy Poehler, Nick Offerman et un panel de juges avec leurs créations artisanales pendant l'émission qui est la première série télé-réalité pour Paper Kite. NBC a lancé le Universal Television Alternative Studio en juin dernier dans le cadre d'une stratégie visant à rendre son contenu plus global et à fournir au réseau américain et à d'autres des séries et des formats de télé-réalité. On reste aux États-Unis avec un personnage autiste qui s'en vient dans Sesame Street, un nouveau personnage qui a fait son apparition récemment le 10 avril dans l'émission éducative américaine pour enfants Sesame Street, qui joue en premier sur HBO et qui ensuite joue en rappel sur PBS Kids. Donc le personnage, on a déjà parlé un petit peu de ça au Mathieu Planchot, mais on a plus de détails. Le personnage s'appelle Julia, une petite fille autiste aux cheveux orange. Pour la première fois en 47 ans, les producteurs ont souhaité intégrer de manière permanente au petit écran le personnage déjà présent dans les livres de Sesame Street. Julia permettra ainsi d'expliquer aux plus jeunes les comportements les plus fréquents qu'on rencontre chez les enfants atteints d'autisme. La production a travaillé main dans la main avec des organisations et associations qui prennent en charge l'autisme. Sesame Street a d'ailleurs fait appel à la marionnettiste Stacey Gordon, mère d'un garçon autiste, pour manipuler le personnage de Julia. Maintenant, on parle un petit peu de vedette avec Ed Sheeran qui va être dans la prochaine saison de Game of Thrones. Oui, le chanteur. L'auteur-compositeur-interprète britannique Ed Sheeran sera l'invité vedette de la prochaine saison de la série Trône de Fer. Les producteurs de la populaire émission en ont fait l'annonce au festival South by Southwest qui se déroulait au Texas. Le producteur David Benioff a révélé qu'il tentait depuis plusieurs années d'inclure le chanteur de 26 ans dans la série pour surprendre l'une de ses grandes admiratrices, l'actrice Maisie Williams qui incarne Arya Stark dans ce drame fantaisiste. La 7e saison de la série Game of Thrones sera diffusée à partir du 16 juillet sur HBO. Et pour terminer, on patauge un petit peu dans les nouvelles d'il y a un mois, parce que l'émission a été absente depuis, mais parlons quand même de The Big Bang Theory, qui va avoir droit finalement à sa vraie série dérivée. La chaîne CBS a commandé un dérivé de sa série à succès The Big Bang Theory, qui reviendra sur la jeunesse du héros Sheldon Cooper et sera diffusé à partir de la rentrée 2017-18. Créé en 2007, The Big Bang Theory est cette saison le programme non sportif le plus regardé aux États-Unis, tout comme lors des 3 années précédentes. La série qui est centrée autour des personnages de Sheldon Cooper et Leonard Hofstadter, physicien employé par la California Institute of Technology, une université située à Pasadena. Bref, la nouvelle série baptisée Young Sheldon mettra en scène Sheldon à 9 ans, alors qu'il est déjà au secondaire. Doté d'un QI de 187, il a terminé l'école à 11 ans et décroché son premier doctorat à 16 ans. Sheldon sera joué par Ian Armitage, qui a 8 ans, aperçu dans la série de HBO réalisée par Jean-Marc Vallée, Big Little Lies. L'acteur Jim Parsons, qui joue Sheldon adulte, a déjà remporté 4 prix Emmy et il va être le narrateur de Young Sheldon, un petit peu à la manière de How I Met Your Mother. L'un des créateurs de Big Bang Theory, Chuck Lorre, a participé à l'écriture de Young Sheldon, associé à l'un des auteurs de la série originale, Stephen Molaro. Signe de confiance de CBS dans le concept de cette série dérivée, la chaîne a commandé directement une première saison sans même passer par l'étape traditionnelle de faire un pilote. Interrogé par l'agence France Presse, CBS s'est refusé à communiquer le nombre d'épisodes de la première saison, indiquant qu'il serait révélé en mai, tout comme la case hebdomadaire choisie pour le programme. D'après moi, ça devrait être le lundi, comme Big Bang Theory. Le premier épisode va être réalisé par Jon Favreau, le metteur en scène de nombreux longs métrages, notamment les 2 premiers volets de Iron Man et le récent The Jungle Book. En passant, les acteurs de Big Bang Theory qui sont les mieux payés de la télévision américaine, chacun avec un cachet d'$1 million par épisode. Et voilà pour le premier bloc de Television Television. On en a un deuxième tout à l'heure, mais avant ça, on s'en va entendre du chiptune pop punk qui vient de Long Island, New York. Voici du CD Cool Weird Future, l'album Cool Weird Future, par le groupe Weird At Last, la pièce We Are Doing This, MPS, le Mathieu Plante Show. Sur C'est Fou! Are doing this au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est une deuxième partie de Television Television. Donc, on parlait de nouvelles québécoises, canadiennes et américaines. Dans ce deuxième bloc, on parle de nouvelles internationales et sur Internet. On commence à Londres, où les participants d'une télé-réalité britannique qui les a envoyés dans le fond des bois pendant un an comme expérience sociale. Ils ont pu retourner à la civilisation pour découvrir que la série avait été retirée des ondes il y a plusieurs mois et que personne ne leur avait dit. C'était sur la chaîne Channel 4. Eden était le nom de l'émission, qui rassemblait 23 hommes et femmes dans le bois, dans les Scottish Highlands, où on leur disait de s'installer une communauté qui allait pouvoir se gérer elle-même. Le groupe était coupé complètement du contact avec le monde extérieur et devait vivre par leurs propres règles et leurs propres lois, construire un toit, faire pousser leur nourriture, élever des animaux pour les manger, etc., etc. Donc une expérience qui a duré un an, qui était enregistrée par une équipe de 4 personnes avec leurs caméras. Il y avait aussi des caméras personnelles pour les participants. Et bref, tout ça était bien organisé. 4 épisodes de l'émission pour couvrir les mois de mars, avril et de mai ont été diffusés l'été dernier. Mais les codes d'écoute sont passés de 1,7 million à 800 000 personnes, ce qui a fait que Channel 4 a tiré la plug sur l'émission. Mais personne ne l'a dit aux autres participants qui ont continué de s'emmerder, j'imagine, par moment, et se battre les uns les autres. Finalement, bref, Channel 4 n'a pas commenté sur la situation, sauf pour dire qu'ils allaient diffuser. En fait, c'est la raison qu'ils ont fait ça. Et leur explication était qu'ils allaient faire un résumé de tout le reste de l'expérience et diffuser ça à la fin de la saison complètement, étant donné que les codes d'écoute n'étaient pas très très bonnes. Il y a 13 des 23 participants qui ont démissionné de l'émission après des jalousies sexuelles, des chicanes et la faim, entre autres. Bref, il y a plusieurs personnes qui ont démissionné. Il ne restait plus grand monde à la fin, mais quand même, il devrait y avoir un résumé d'ici la fin de l'année. Ensuite, on reste au Royaume-Uni. Il va y avoir un quiz télévisé, un jeu télévisé, si on veut, sur le jeu Pie Face. Vous connaissez Pie Face, qui est une petite bébelle de plastique. Tu mets de la crème fouettée dessus, puis là, tu fais envoyer ça d'en face. Tout ce qu'il y a de plus simple. C'est la compagnie 44 Blue qui a acquis les droits de télévision pour les États-Unis. Pour Pie Face, ils vont développer ça comme jeu télévisé accompagné de la compagnie britannique CPL Productions. Créé par Rocket Games, Pie Face est un des jeux qui s'est vendu le plus rapidement de tous les temps. Plus de 10 millions d'exemplaires ont été vendus partout dans le monde. Donc dans Pie Face, on charge un bras de plastique avec de la crème fouettée et tour à tour, on doit mettre la face dans le masque et faire tourner une roulette. Et la personne qui atterrit sur un nombre va donner de la tension de plus en plus. Et ça va comme rajouter de la tension au bras jusqu'à ce que quelqu'un se fasse frapper dans la face avec la main. C'est super populaire sur YouTube, entre autres. Allez voir Pie Face. La série va être par 44 Blue Productions et CPL Productions. Ils font partie du Red Arrow Entertainment Group. Voilà. Ensuite, revenons à des articles en français pour être plus simple. Un petit peu, le réalisateur de Moonlight qui va tourner, on va sur Internet, oui, une série pour Amazon. Voilà. Le réalisateur de Moonlight, Oscar du meilleur film réalisé pour la plateforme de diffusion vidéo en ligne d'Amazon, une série adaptée du roman The Underground Railroad sur l'époque de l'esclavage aux États-Unis, selon un communiqué. Amazon supervise la production de cette série dirigée par le metteur en scène Barry Jenkins, qui, outre le trophée du meilleur film, a également été récompensé en février de l'Oscar de la meilleure adaptation pour Moonlight. Le programme sera coproduit par la société de production de Barry Jenkins, Pastel, ainsi que par celle de l'acteur américain Brad Pitt, Plan B, qui avait déjà travaillé aussi sur Moonlight. The Underground Railroad de l'écrivain américain Colson Whitehead est un roman qui s'inspire du réseau de routes et chemins secrets avec cache et refuge qui permettait aux esclaves en fuite de rejoindre les États-Unis, du nord des États-Unis ou le Canada pour accéder à la liberté. Le réseau s'appuyait sur des centaines de personnes et aurait permis à plusieurs dizaines de milliers de Noirs d'échapper à l'esclavage. La conductrice la plus célèbre de ce maillage est sans doute Harriet Tubman, une ancienne esclave qui convoya des centaines de personnes malgré le danger. La principale originalité du livre The Underground Railroad est qu'il imagine l'existence d'un véritable réseau ferré souterrain qui n'a jamais vraiment vu le jour dans la réalité. The Underground Railroad a été un succès d'édition vendu à plus de 800 000 exemplaires aux États-Unis et a valu à Colson Whitehead, qui est noir, le National Book Award, l'un des prix littéraires américains les plus prestigieux. Amazon n'a pas communiqué de date de diffusion ou précisé le nombre d'épisodes que comprendrait la série, qui ne se déclinera pas sur plusieurs saisons. Ça va être une série limitée. Le partenariat entre Barry Jenkins et Amazon illustre encore une fois la volonté de la plateforme d'investir dans la production télévisée d'auteurs, comme le fait aussi Netflix, son principal rival. Parlant de Netflix, ils accélèrent la production de séries en Europe. La plateforme américaine de vidéos en ligne accélère sa production de séries en Europe, leur offrant une audience encore plus grande en dehors du vieux continent, a expliqué à Berlin son patron Reed Hastings. Celui qui a fondé il y a 20 ans Netflix, au départ un système de location illimitée de DVD, s'est donc réjoui de créer une audience mondiale pour des productions locales. C'est notamment le cas pour la série française Marseille, portée par Gérard Depardieu, et dont le tournage de la deuxième saison doit débuter le 18 avril avec de nouveaux personnages, dont une jeune femme d'extrême droite, membre du Parti français. Après avoir été récompensé aux Oscars pour le documentaire Les Casques Blancs, Netflix mise plus que jamais sur la production de séries, films, spectacles ou documentaires avec un budget dédié de 6 milliards de dollars pour 2017. Le nombre de productions originales européennes s'élève à plus de 90, avec à venir la première série allemande Dark, attendue pour décembre, l'italienne Subura et l'espagnole Las Chicas del Cable, dont une deuxième saison est déjà annoncée. Outre des coproductions avec BBC One, comme Troy, Fall of a City, et BBC Two, avec Black Earth Rising, Netflix a aussi annoncé sa première coproduction avec Canal Plus pour The Spy. La chaîne française diffusera la série en France, tandis que Netflix aura les droits pour l'étranger. Le patron de Netflix ne veut pas faire le pronostic au-delà de 5,20 millions de nouveaux abonnés qu'il espère encore gagner au premier trimestre de 2017. Ensuite, on va sur les torrents maintenant pour redonner aux pirates l'envie d'aller au cinéma. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ressemblant comme un jumeau au site Kickass Torrents, un site costaricain propose maintenant des places de cinéma pour détourner les internautes du téléchargement. Les actions menées pour lutter contre le piratage de films peuvent prendre différentes formes, mais elles sont en général assez radicales, comme la fermeture de sites, les poursuites judiciaires, Maintenant, Romali, un distributeur du Costa Rica, a eu l'idée originale pour inciter les pirates en puissance à revenir vers le droit chemin en lançant un site LegalTorrents.net. En tout point similaire à Kick-Ass Torrents, on y retrouve les codes du site de téléchargement, la liste des derniers films mis en ligne, la barre de recherche et le nuage de tags. Lorsqu'on clique sur un titre, par contre, une page d'information se charge avec une capture du film, un résumé, une fiche d'information et le bouton télécharger. Sauf que le site n'est pas ce qu'il semble être. Le fichier qu'on télécharge ne contient pas le film, mais sa bande-annonce accompagnée d'un message expliquant les dommages que le piratage fait subir à l'industrie du cinéma. Jusque-là, bon, c'est ça. Hein? Les faux torrents ne sont pas une nouveauté. Ce qui différencie les fichiers, c'est qu'ils contiennent une adresse email que les internautes peuvent utiliser pour recevoir deux places gratuites pour aller voir le film qu'ils essayaient de télécharger au cinéma. Si l'idée du distributeur de films de développer une démarche positive autour de la problématique du téléchargement illégal est bonne, nous dit 01net.com, il semble que des problèmes techniques risquent d'empêcher oui, d'être un réel succès. Le site Torrent Freak a en effet essayé de suivre le processus complet et n'a jamais pu obtenir finalement les deux places de cinéma. Bref, c'est supposé fonctionner, mais ça fonctionne pas toujours. On vient avec Netflix qui expérimente des séries interactives. La révolution est en marche chez Netflix. Le site expérimente des séries interactives afin de permettre aux abonnés de choisir la tournure que prend le récit pendant qu'ils visionnent leur émission favorite. Netflix, qui doit une grande partie de son succès à ses créations originales, bien sûr, expérimente une façon de laisser les utilisateurs choisir la suite de l'histoire qu'ils regardent. D'après une source interne, Netflix travaille sur les points de bifurcation des intrigues pour que les téléspectateurs puissent choisir la suite au cours du visionnage. Toutes les options seront disponibles et chacun pourra explorer différemment sa série. Ce sera totalement aléatoire, vous allez pouvoir avancer dans la série de façon incroyablement bizarre, disent-ils. Plusieurs séquences alternatives seraient tournées en avance par les acteurs afin de permettre aux abonnés Netflix de choisir quelle direction prendra le récit. En revanche, Netflix n'a pas précisé si les téléspectateurs pourront intervenir dans des décisions majeures de l'intrigue, telles que la mort d'un personnage, ce qui pourrait affecter les épisodes subséquents, bien sûr, ou si leur participation ne concernera que les détails qui ne changent pas fondamentalement le cours de l'histoire. D'après moi, ça va pas mal plus être ça. Parlant de sauter d'un bout à l'autre, aimeriez-vous sauter le générique de vos séries préférées? Avec le bouton Skip Intro, les abonnés de Netflix peuvent sauter le générique de la série qu'ils regardent. Hein? C'est en phase de test en ce moment et l'option est désormais ce qui était en phase de test jusqu'à récemment est maintenant disponible pour tout le monde. Voilà. Donc Netflix a lancé le nouveau bouton Skip Intro qui permet de sauter le générique. C'était testé avant auprès de quelques utilisateurs, mais la fonctionnalité concerne désormais l'ensemble. Ça ne s'applique pas au premier épisode de la première saison d'une série. Il faut absolument la regarder. Selon Netflix, on estime que les téléspectateurs doivent voir le générique au moins une fois. Mais c'est ensuite accessible dès le deuxième épisode. Moi, je me rappelle avoir regardé quelques séries Netflix, pas nécessairement fabriquées par Netflix, mais par d'autres. Et quand je regardais des séries en rafale, ça me sautait le générique tout seul, sans que je le demande. Et je détestais ça parce qu'il y a des séries qui ont des scènes avant générique. Et il fallait que je recule et ça m'énervait vraiment beaucoup. Donc j'espère que ça va être une option pour toujours et non pas fait automatiquement. Hein. Bref. Donc, si certains aiment le générique car il offre un petit moment de répit hein, pour peut-être vérifier ses messages sur son téléphone ou peu importe, en faisant du binge-watching, vous allez pouvoir sauver quand même plusieurs minutes avec le temps. Ensuite, allons-y avec... je saute quelques nouvelles. Vous pouvez aller voir le rappeur américain Action Bronson qui va avoir son propre dating show. Ça m'intéresse plus ou moins. Terminons avec l'humanité qui regarde chaque jour 1 milliard d'heures de vidéos sur YouTube. Incroyable, oui. Le dernier chiffre publié par Google sur son service de vidéos en ligne dépasse l'entendement. Donc, si vous avez l'impression de passer beaucoup de temps sur YouTube, vous risquez d'avoir de légers frissons en lisant le dernier chiffre communiqué par Google. Chaque jour, 1 milliard d'heures de vidéos seraient visionnées sur YouTube. Google s'en est rendu compte et a essayé de l'expliciter avec d'autres chiffres. Donc, ça vous prendrait 100 000 ans pour réussir à atteindre cette étape majeure à vous tout seul. Hein? Un autre exemple pour ceux qui préfèrent les voyages, si vous vous déplaciez 100 000 ans à la vitesse de la lumière, vous pourriez traverser la Voie lactée d'un bout à l'autre. Wow. Cette avalanche de données qui impressionne quand même. Allez voir plus d'informations sur assemblagerequis.com. Je vais vous faire un petit résumé, si je peux. Ça vient d'actualiser la page pour rien. Hein? Ouais. On va devoir abandonner alors si la page s'est actualisée. T'sais, vive les sites qui... Ah, tiens. Qui veulent qu'on voit une publicité 3-4 fois. 1 milliard, donc le nombre d'heures de vidéos vues sur YouTube chaque jour. 1 milliard 325 millions de nombre d'utilisateurs de YouTube. 300 heures de vidéos ajoutées chaque minute. 4 milliards 950 millions de nombre de vidéos vues sur YouTube chaque jour. Et 6 milliards 350 millions pour le coût annuel en dollars américains de fonctionnement et d'entretien de YouTube. Tout ça selon Google en date du 1er septembre 2016. Née en 2005 après une phase de bêta, la plateforme est désormais consultée à plus de 50% sur mobile et grossit sans cesse, bien sûr. Voilà pour cette deuxième partie de Television Television, exactement dans les temps pour qu'on puisse faire un petit peu de merci science. Tout à l'heure, mais avant ça, on écoute A Sense of Purpose. Voici Song of Storms. Si je me rappelle bien, c'est un hommage métal à Legend of Zelda par un groupe basé en Ohio. Tout de suite au Mathieu Planche. Business Pastel et Skyrox avec Wishful Thinking au Mathieu Blanc Show. Avant, c'était Song of Storms featuring Patrick Sommelet et Reflections par A Sense of Purpose sur l'album Hey Listen. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. On commence avec un bon bain chaud, qui serait aussi bénéfique que le sport. Les bains chauds, les saunas augmentent la température corporelle, tout comme une séance d'exercice physique. Et ce réchauffement de l'organisme est associé à une consommation d'énergie, mais aussi à des bénéfices pour le contrôle de la glycémie et la santé cardiovasculaire. Le sport est un bon moyen d'améliorer la santé, on sait, mais c'est pas toujours simple de s'y mettre. Et si un bain chaud pouvait remplacer une séance d'exercice? Cette idée séduisante n'est pas aussi farfelue qu'il n'y paraît, nous dit Futura Science. La science s'intéresse de plus en plus aux bienfaits de l'élévation de la température corporelle pour la santé. Dans un article paru dans The Conversation, Steve Faulkner de l'Université de Loughborough au Royaume-Uni fait le point sur les récents résultats de recherche. Ainsi, en 2015, une étude finlandaise a montré que les hommes qui prenaient souvent des saunas avaient moins de risques de crise cardiaque ou d'AVC. Une autre de l'Université de l'Oregon a démontré que les bains chauds réduisaient la pression artérielle et donc le risque de maladies cardiaques. Une explication est que le réchauffement du corps augmente les niveaux d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et réduit la pression artérielle. Steve Faulkner et son équipe ont voulu en savoir plus sur l'effet de la chaleur de l'organisme. Pour ce faire, ils ont recruté 14 hommes qui ont soit pris un bain pendant une heure à 40 degrés Celsius, soit fait une heure de vélo. Ces deux activités élevaient la température corporelle de 1 degré Celsius. Le vélo permettait évidemment de dépenser plus d'énergie qu'un bain chaud, mais le bain faisait tout de même consommer autant de calories qu'une marche de 30 minutes. De plus, dans cette expérience, l'effet du bain sur le taux de glucose dans le sang était particulièrement intéressant. La réponse de la glycémie était similaire dans les deux situations, mais le pic de glucose après un repas était moins élevé de 10% avec le bain chaud. 6,3 mmol par litre de glucose avec le bain contre 6,8 avec l'exercice. Dans des études sur des animaux, des chercheurs ont mis en évidence le rôle joué par les protéines de choc thermique ou le heat shock protein. La heat shock protein. Leur niveau augmente après un exercice ou un réchauffement du corps. Or, les protéines HSP seraient impliquées dans le contrôle de la glycémie. À long terme, des niveaux élevés de ces protéines pourraient améliorer son contrôle. Ici, les chercheurs britanniques ont aussi mesuré la réponse des protéines HSP70 et IL-6. C'est une cytokine pro-inflammatoire après le bain chaud ou la séance de vélo. La première extracellulaire a augmenté de manière similaire dans les deux cas. Vu les changements observés dans la réponse inflammatoire, Steve Faulkner a conclu que des bains chauds répétés pourraient contribuer à réduire l'inflammation chronique qui est souvent présente dans des maladies comme le diabète de type 2. Les activités qui augmentent les protéines de choc thermique, comme les bains chauds et les saunas, pourraient donc fournir une alternative à l'exercice chez les personnes qui rencontrent les difficultés à pratiquer un sport. Ceux qui en ont pas envie, hein? Maintenant, on parle de libido. Oui, le sport intense réduirait le désir masculin sexuel. Oui, le sport intense ne ferait pas seulement fondre la graisse. Il aurait aussi un impact négatif sur la libido. C'est ce que suggère une étude américaine qui a interrogé un millier d'hommes sur leur activité physique et leur vie sexuelle. L'exercice est conseillé pour rester en bonne santé, réduire son stress et perdre du poids. L'OMS recommande aux adultes, l'OMS étant évidemment l'organisme mondial en matière d'activité physique pour la santé, recommande aux adultes 150 minutes d'activité modérée par semaine, mais l'exercice intense en agissant sur les hormones sexuelles pourrait avoir un impact sur la fertilité et la libido. Ainsi, les femmes très sportives peuvent constater un dérèglement de leur cycle menstruel, voire une aménorrhée. Aménorrhée étant l'absence de règles chez la femme en âge de procréer. Voilà. Alors, chez les hommes, quel est l'effet du sport intense sur la fertilité et la libido? Eh bien, dans leur étude publiée dans Medicine and Science in Sports and Exercise, les chercheurs de l'Université de Caroline du Nord ont recruté 1077 hommes qui ont répondu à des questions sur leur activité physique et leur vie sexuelle. La plupart des participants pratiquaient la course à pied ou le vélo. Les résultats montrent que ceux qui s'entraînaient le plus, le plus longuement et le plus intensément avaient une libido réduite. Inversement, les hommes qui avaient une activité physique légère ou modérée avaient des niveaux de libido plus élevés. Une hypothèse pour expliquer ces effets est que le sport intense induit de la fatigue physique et des niveaux de testostérone plus bas. Les auteurs en concluent donc que lorsqu'un couple consulte pour infertilité, la question de l'exercice devrait être posée. En effet, une activité physique intense peut réduire le nombre de spermatozoïdes dans le sperme si l'organisme est régulièrement à température élevée car la chaleur est nocive aux spermatozoïdes. Une étude de 2011 avait montré une concentration en spermatozoïdes réduite chez les hommes faisant plus de 5 heures de vélo par semaine Cependant, de manière générale, le sport plutôt que la sédentarité est plutôt bénéfique à la fertilité. Une étude de 2016 enseignait que le sport améliore la qualité du sperme. L'exercice modéré et régulier était le plus bénéfique. Maintenant, on parle d'hormones encore, avec l'ocytocine qui rend les hommes infidèles, apparemment. On attribue de nombreuses vertus à l'ocytocine, cette hormone produite par le cerveau. Elle contribuerait à l'attachement des parents pour l'enfant, à l'amour ou encore favoriserait les relations sociales. Une nouvelle étude montre qu'elle a aussi tendance à rendre les hommes plus fidèles. C'est pas un filtre d'amour, mais on s'en approche peut-être. L'ocytocine, une hormone bien connue pour son rôle dans l'attachement et la socialisation, favoriserait la monogamie. On sait déjà que c'est le cas chez les campagnols des prairies, et une étude allemande émanant de l'université de Bonn montre qu'il en va de même chez l'espèce humaine. Cela n'a rien de romantique, mais l'amour pourrait naître dans l'hypothalamus, nous dit Futura Science. Cette petite glande perdue au milieu du cerveau se situe à l'interface du système nerveux et du système endocrinien. Elle régule notamment l'appétit et la sexualité, mais ce n'est pas tout. Elle sécrète de l'ocytocine, l'hormone de l'amour, de l'attachement et de la socialisation. Au sein d'un couple, elle favorise le lien qui unit les deux protagonistes. Lors de l'accouchement, elle est produite par les deux parents et pourrait faciliter le lien fort qui unit la mère à l'enfant. Certains scientifiques précisent qu'elle contribuerait aussi à l'instinct maternel, oui. Elle joue d'autres rôles au quotidien puisqu'elle facilite les relations sociales. Elle est même testée comme traitement contre la timidité, favorisant la confiance en soi et confère même du courage. Chez le campagnol des prairies, l'ocytocine contribue à la fidélité et à la solidité du couple, comme ça a été démontré en 2001. Des scientifiques allemands ont voulu voir s'il en était de même pour notre espèce, mais des rongeurs à l'homme, il y a parfois un fossé difficile à franchir. L'hypothèse des chercheurs dévoilée dans le Journal of Neuroscience avance que des hommes avec un taux élevé d'ocytocine auraient tendance à se rapprocher plus facilement d'une jolie femme. C'est le cas uniquement pour les célibataires, par contre. Les hommes en couple, eux, préfèrent prendre leur distance. Vous pouvez aller voir les détails de l'étude sur assemblagerequis.com. Si vous voulez être productif au boulot, faites du sexe à la maison. Hein? Je ressens une thématique ici, c'est une autre étude improbable. Aux amateurs de parties de jambes en l'air, selon une nouvelle étude psychologique publiée par l'Université de l'Oregon aux États-Unis, l'activité sexuelle rendrait les gens plus productifs au bilot. Au boulot. Au bilot? C'est quoi ça, un bilot? C'est comme un mélange entre bio et un boulot. C'est l'étude improbable du jour, donc elle aura au moins le mérite de vous permettre de savoir qui de vos collègues a une vie sexuelle épanouie, hein? Si vous avez du temps à perdre, bien sûr. Mais donc, l'étude a porté sur 159 couples, suivis pendant 2 semaines, 2 fois par jour, nous dit ubergizmo.com. Elle a rapporté une corrélation entre la sensation de joie au réveil et le fait d'avoir fait l'amour la nuit précédente. Hein? Cela nous rappelle, je cite ici, que le sexe a des bénéfices sociaux, émotionnels et physiologiques, et c'est important d'en faire une priorité. Voilà. Donc l'étude nous rappelle que le sexe provoque des montées de cytocine, on en parlait, de dopamine aussi et diverses autres hormones, qui font qu'on est content après le sexe, comme environ tout le monde, depuis toujours. Le problème de l'étude, nous dit-on, c'est son manque de rigueur. Les sujets n'ont été suivis que 2 semaines. Pour étudier ça, il faudrait aller beaucoup plus loin que ça. Mais bon, donc j'ai passé ça en bref. Ça va aller, on a compris. Justement, parlant d'études complètement improbables, les personnes qui ont un chien sont sexuellement plus attirantes que les personnes qui ont un chat. Genre moi. L'étude a été commandée par le site de rencontre britannique Elite Singles. Vous avez déjà vu les publicités à la télé. Hein? On n'a pas le laboratoire qui l'a mené, ni le rapport de l'étude en main. Mais les résultats se sont dévoilés ici. Les personnes ayant un chien seraient sexuellement plus attirantes que les personnes qui ont un chat. Au-delà du fait qu'on puisse remettre légèrement en cause le sérieux de l'étude sur 1000 célibataires au Royaume-Uni, ce genre de questionnement peut s'étendre de façon plus large. Comment traitez-vous vos animaux? Donc on nous dit, je cite ici, les chiens sont moches, alors leurs propriétaires paraissent beaux. Les chats sont magnifiques et mignons, donc leurs propriétaires paraissent moches. Hein, une étude tout à fait pertinente. On reste avec les chats. Les vidéos de chats seraient bons pour le moral. Une étude de l'Université de l'Indiana s'est intéressée au phénomène des vidéos de chats qui font le buzz sur Internet. D'après l'enquête qui a touché 7000 personnes, ces vidéos apporteraient plus d'émotions positives, comme un regain d'énergie, que de négatives, telles que la culpabilité d'avoir regardé une vidéo sur son temps de travail, exemple. Donc, un phénomène de société qui a même fait l'objet d'une très sérieuse recherche publiée dans la revue Computers in Human Behavior. Jessica Gard-Merrick, auteure de l'article, justifie ses travaux comme suit. Certaines personnes pourraient penser que regarder des vidéos de chats en ligne n'est pas un sujet suffisamment sérieux pour une recherche académique, mais le fait est que c'est un des usages les plus populaires d'Internet aujourd'hui. Ça explique absolument pas le sérieux de la chose, mais bon. La chercheuse voulait connaître les motivations des adeptes de ces vidéos et les effets qu'elles avaient sur eux. En effet, elle se demandait si le fait de visionner des vidéos pouvait avoir le même effet qu'une pet therapy, donc la thérapie par l'animal de compagnie. Elle voulait aussi savoir si les personnes qui regardent des vidéos de chats se sentent mal à l'aise ensuite parce qu'elles ont perdu du temps à le faire en repoussant leur tâche du moment. 7000 personnes ont participé à l'enquête que la propriétaire du chat Little Bob, vous connaissez Little Bob, Mike Brudowski, a aidé à diffuser dans ses réseaux sociaux. Pour chaque participant de l'étude, 10 cents ont été versés à la fondation Little Bob qui récolte des fonds pour la cause animale. L'étude montre que les sites les plus populaires pour regarder des vidéos de chats sont Facebook, YouTube, BuzzFeed et I Can Has Cheeseburger dont on interrogeait les participants sur leurs préférences vis-à-vis des animaux de compagnie. 36% étaient plus chats et 60% aimaient les chats et les chiens. Les participants regardaient souvent ces vidéos au travail ou pendant qu'ils étaient supposés étudier. Les propriétaires de chats et ceux qui avaient certains traits de personnalité, comme la timidité, étaient plus susceptibles de regarder ces vidéos. Après avoir visionné des vidéos de chats, les participants confiaient se sentir plus énergiques et avoir moins d'émotions négatives, comme de l'anxiété, de l'ennui et de la tristesse. Le plaisir qu'ils ressentaient à regarder ces vidéos dépassait la culpabilité qu'ils pouvaient ressentir à procrastiner, c'est-à-dire à repousser leurs tâches à plus tard. Globalement, le fait de regarder des vidéos de chats était positif pour le moral. Voilà. Je comprends ça, hein, pour vrai. J'ai mon petit lecteur de nouvelles, web, là, qui sont tout ramassés dans un logiciel, des applications. Hein. Et j'ai tout le temps des petites nouvelles de chats insérées une fois de temps en temps, puis câline que ça me met de bonne humeur. Hey, on termine avec des chercheurs qui veulent répertorier les odeurs du passé. Inspirés par l'odeur du papier ancien, deux scientifiques britanniques cherchent à répertorier les odeurs du passé en commençant par un majestueux château du 15e siècle dans le but de les préserver pour la postérité. À Knoll House, où l'auteur Vita Sackville-West a passé son enfance dans le sud-est de l'Angleterre, les deux scientifiques ont capturé les odeurs des livres, de gants, de disques 33 tours et même de la cire des parquets. Des planchers. Pour analyser les odeurs, ils ont procédé à une extraction des notes volatiles et une analyse par chromatographie qui permet de séparer les différentes substances présentes. L'objectif de leur recherche est d'identifier les odeurs qui ont une valeur culturelle ainsi que les façons de les répertorier et, espérons-le, de les préserver. Mathia Stirlik et Cecilia Bimbre ont publié un article dans le journal académique Heritage Science sur l'odeur du papier. On y trouve un sondage auprès des visiteurs d'une galerie de Birmingham qui ont commenté cette odeur. Sans savoir ce qu'ils sentaient, les sondés ont principalement utilisé les mots chocolat, bois et café pour décrire l'odeur. Parmi les termes les plus surprenants utilisés figuraient chaussettes, encens et ferme. Ferme, c'est moins positif. Hein? Dépendamment, ça a été élevé sur une ferme, j'imagine. Elles ont également sondé les visiteurs de la bibliothèque de la cathédrale Saint-Paul datant du 18e siècle qui ont utilisé les mots boisé, moisi et sucré pour décrire l'odeur des livres. À l'origine de sa démarche, Mathia Stirlik a expliqué avoir été inspiré il y a une dizaine d'années en voyant les conservateurs de livres anciens sentir les pages pour voir si les ouvrages se dégradaient. Il estime ainsi que ses travaux pourraient être utilisés par des conservateurs pour détecter les signes de dégradation des livres dans les bibliothèques. Cela pourrait aussi permettre de créer des archives d'odeurs historique ou d'inclure une expérience olfactive lors des visites de musées. Très bonne idée, ça. Ainsi, les odeurs spécifiques risquant de disparaître pourraient être préservées. On nous dit pourquoi pas celle du métro de Londres. Même si ça sent pas très bon, ça pourrait être une odeur qui te rappelle de bons souvenirs. Voilà pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com. Avant de se quitter pour aujourd'hui, on écoute une pièce qui rend hommage à Animal Crossing. C'est Animal Crossing Remix par Tokyo Elvis, producteur de musique de jeux vidéo et Vocaloid qui vient de Orlando, qui vient de sortir un maxi qui s'appelle Animal Crossing Remixes Retail. C'est un maxi, un EP de 4 pièces qui inclut un remix de Able Sisters par Grimecraft, et c'est ce qu'on s'en va entendre tout de suite. Et après ça, on vient se dire au revoir. Vous écoutez le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. We'll be right back. Tokyo Elvis, avec un remix de Able Sisters par Grimecraft sur l'album Animal Crossing Remixes Retail, que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. C'était bon, hein? C'est très enfantin. J'aime ça. Ah voilà, c'est tout pour cette édition du Mathieu Plante Show. Merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. On rappelle les jeudis à midi et les mardis à 10h. C'est de retour cette semaine. Les rediffusions, il n'y en a pas eu pendant un mois et demi. Je serai pas là, hein? Je vous retrouve aussi à Assemblage Hockey du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, ainsi qu'au Palmarès C'est Fou les mardis de 14h à 17h. Consultez la programmation complète sur site.ca, retrouvez les notes de l'émission, les balados diffusion sur assemblagehockey.com. De la part de Frédéric Simon cette semaine, merci beaucoup. Et de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show et Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante. Vous avez été planté, Audiomatique s'en vient pour les auditeurs du mercredi. On suit avec une pièce de Impulses qui s'appelle Haters H8RZ. À la semaine prochaine, bye bye.